Les formations de divers pays et une institution régionale ont admiré les mérites immortels de M. Kim Yong-ji, combattant révolutionnaire inébranlable, qui a consacré toute sa noble vie dans la cause sacrée pour l'indépendance du pays, la liberté et la libération du peuple. Ce sont le Comité national d'études des éducés du Congo démocratique, le Comité national nigérien d'études du kimilsonisme kimjonglisme, la Fédération internationale des associations d'études des éducés et de la politique de Sungun de l'Europe Est et de l'Asie centrale, le Comité national guinéen d'études du kimilsonisme kimjonglisme, le Comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pektosan 2017, le Comité préparatoire suisse pour la célébration du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, le Comité suisse-coréen et le Cercle suisse d'études des étudiants. Ils ont présenté sur les internets, dans un bulletin et une déclaration commune, que l'association nationale coréenne organisée par M. Kim Hyong-ji a joué un grand rôle pour que le mouvement nationaliste change en révolution prolétarienne dans le cadre du mouvement de libération nationale anti-japonaise en Corée et qu'on réalise l'unité du mouvement indépendantiste. Ils ont ajouté qu'aujourd'hui, le peuple coréen garde le noble dessein Tsiwon visé haut de M. Kim Hyong-ji, l'idéal de l'indépendance anti-impérialiste et de la Grande Union Nationale et de l'Association Nationale Coréenne comme noble patrimoine idéologique et spirituel de la Révolution et accélère vigoureusement l'édification d'une puissance socialiste, la réunification de la patrie et l'émancipation du monde.